sonnait, t'as ouvert tes volets. À nouveau la pluie s'est mise à tomber. Tu repars au travail, tu n'as pas le moral. Tu et tes fourmis deviennent cigales. Le meilleur moyen d'aimer la vie, c'est la musique. C'est bon quand elle joue comme aujourd'hui dans notre équipe. Qu'est-ce qui nous rapproche des jours heureux? C'est la musique. Même avec des larmes aux yeux, on chante et ça va mieux. Salut à tous les auditeurs et auditrices de Radio Gémozo 107 FM. Bienvenue sur nos ondes. Merci d'être à l'écoute. Vous nous suivez sur le web www.radiogémozo.eu ainsi que sur les réseaux sociaux. Bonjour le Québec, il est 10h. Je fais des petits bisous à ma petite équipe, la petite équipe de choc. Bonjour la Belgique et la Suisse. Bonjour Lia. Bonjour Gilou. Comment vas-tu? Moi ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va bien avec ce soleil magnifique que nous c'est avons vrai. Aujourd'hui. C'est très, vrai. Très chaud, très beau. Alors, je sais pas si tu as remarqué mais c'est calme dans le studio aujourd'hui. Ah oui, c'est calme, ça change. Ça change. Alors je fais un petit je dis ça pour faire un petit clin d'œil au gars de la Maurine que nous avions oui. La semaine dernière en studio. Très belle émission. Ah, très belle émission. Alors les gars de la Maurine, bon ils n'étaient que deux bien sûr, mais bon là on a passé un bon moment. T'étais venu en force en plus. J'étais venu en force quand même. Je salue Denis Simon, bien sûr, sa fille Louane, et puis Cyrielle. Oui. La jolie Cyrielle. Choriste. Ah, voilà, avec des beaux yeux, choriste. C'est vrai. C'est vrai que il y a des moments, j'étais un petit peu troublé. On a vu ça. Avec la face. Vous êtes avec Gilou dans les années bonheur. Comme chaque jeudi, je vous accompagne en musique et en direct. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h30. Oui. Pour cette émission, un hommage à un artiste belge, Paul Sievers, qui est décédé le 9 avril dernier. Et une heure consacrée donc à nos coups de cœur. D'accord. Voilà, des artistes que j'ai reçus en phoneur ou en live. Waouh. Voilà. Alors bien sûr, j'attends vos petits messages sur la page Facebook de notre radio et sur la page Gilles Moujal officielle. Je transmettrai à l'antenne. Et bien sûr, je vous attends aussi au standard, au 03 29 62 40 40. Avant de commencer, j'en profite pour faire un petit bisou à ma belle-fille Stéphanie, pour lui souhaiter encore un bon anniversaire. C'était donc mercredi, mais enfin, c'est pas grave, je le fais à l'antenne. Voilà, mieux vaut tard que jamais. Je ne sais pas si tu as l'écoute, mais je te fais des bisous. Voilà pour mon intro. Alors, on va commencer par une première chanson. De Bruno Pelletier, qui s'intitule Le temps des cathédrales. C'est une histoire qui a pour lieu Paris la Belle en l'an de Dieu 1482. Histoire d'amour et de désir, nous les artistes anonymes de la sculpture ou de la rime tenterons de vous la transcrire pour les siècles à venir. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Pierre après pierre, jour après jour, siècle en siècle avec amour, il a vu s'élever les tours qu'il avait bâties de ses mains. Les poètes et les troubadours ont chanté des chansons d'amour qui promettaient au genre humain de meilleurs lendemains. Il est venu le temps des cathédrales. Bernard Pelletier. Donc, le temps des cathédrales. Alors, bon, bien sûr, c'est un. Pour faire un hommage, enfin, je veux dire, voilà, cette triste nouvelle, quoi. Enfin, je veux dire, donc, le terrible incendie de Notre-Dame de Paris. Et oui. Voilà, un grand monument. Et voilà, c'est. Voilà, je tenais à faire un petit clin d'œil pour. Mais oui, voilà. C'est sûr. Alors maintenant, nous allons passer donc à l'hommage à Paul Severs. Paul Severs, c'est un chanteur belge qui est né le 26 juin 1948 à Wissingen, dans la province du Brabant flamand, en Belgique. Il est mort malheureusement le 9 avril 2019 à Anderlecht, en Belgique. C'est un chanteur, musicien et auteur-compositeur. On en écoute une première chanson. Eh ben oui. Une nuit d'été. Tu as jeté dans la vieille fontaine les pièces de monnaie qui traînaient, qui te restaient. En riant, tu as fait comme le font les gens de là-bas, un vœu en secret. Moi j'étais là et j'étais comme toi, j'étais seul et tu m'as regardé, tu souriais. C'était beau comme dans un rêve, j'ai encore le jamais. Une nuit d'été sous un ciel d'étoiles. Une nuit d'été, une histoire banale. L'amour est passé, alors tout a changé. Nos cœurs se sont mis à rêver et l'on s'est aimé. Voilà, donc une nuit d'été. Alors Paul Severs, c'est l'avant-dernier enfant d'une famille de 7 personnes, étudiant au collège du Sacré-Cœur de Halle. Il a pris des cours de piano le soir pendant 5 ans et a acheté sa première guitare. À l'âge de 17 ans, Severs s'est invité à devenir le chanteur principal du groupe The Criminals, donc un groupe connu localement avec un répertoire principalement anglophone. Le producteur Jean Kugler, à la recherche de nouveaux talents, n'a pas été immédiatement impressionné par le groupe, mais il a vu du talent en Paul Severs, qu'il voulait mettre davantage à l'avant-plan. Voilà, ce qu'on peut dire, ça, c'était dans les années 60, hein, c'était dans les premiers. Voilà, on écoute une deuxième chanson de Paul Severs, « Je viens t'offrir une rose ». Je viens t'offrir une rose. Tu vois, j'ai pensé à toi. Je sais que c'est peu de choses, mais ton cœur me comprendra. Elle te dira que je t'aime quand elle sera dans tes mains. Et ma vie t'appartient. Tu es si belle, tu es si frêle, que je te voudrais toujours près de moi. Je suis perdu, je ne vis plus quand je suis un jour loin de toi. Je viens t'offrir une rose, elle te dira mieux que moi qu'il faut parfois si peu de choses pour me rendre fou de joie. Ton visage reste le même quand le jour vient t'éveiller. Tu resplendis de beauté. Tu es si belle, tu es si frêle, que je te voudrais toujours près de moi. Je suis perdu, je ne vis plus quand je suis un jour loin de toi. Je viens t'offrir une rose, tu vois j'ai pensé à toi. Je sais que c'est peu de choses, mais ton cœur me comprendra. Elle te dira que je t'aime quand elle sera dans tes mains. C'est ma vie t'appartient. Je viens t'offrir une rose. Tu vois, j'ai pensé à toi. Je viens t'offrir une rose. J'ai pas de rose, hein, Lia, désolé. Oh mince. Écoute, la prochaine fois. Hein. Ah, super. La prochaine fois. Je compte sur toi, de toute façon, t'es un gentleman. D'accord, oui. Alors, donc le succès pour Paul Severs arrive plus dans les années 70. Il va écrire un succès qui s'intitule « J'ai tant besoin de toi ». Alors, c'était une grande chanson. Il en vend, il vend 120 000 exemplaires en Belgique. Ensuite, ce titre est repris par le groupe Crazy Horse, donc qui a tourné en Belgique, qui a tourné en France, après qu'on a connu en France, et qui a vendu, en fait, avec ce titre, qui ont repris ce titre-là. Ils en ont vendu 1 million d'exemplaires. Ah oui, quand total. Même. Oui, c'est assez important. Je ne sais pas si tu connais un petit peu ce groupe Crazy Horse. Ça me dit quelque chose. C'est des années 70, hein, voilà. Oui, bah oui, mais hein. Ça n'empêche pas. Ben, ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Voilà. dans les années 90, après bien sûr, il y a sûrement un petit peu le creux des années 80. Je pense que tous les chanteurs qui venaient des décennies des années 60, 70 connaissent un creux de la vague en 80. Ah parce oui. que, en 80, ça déboule dans tous les coins. Oui. Il y a beaucoup de groupes de chanteurs. Et c'était très bien. Hein, une belle décennie aussi, les années 80. Ça, c'est vrai. Avant, il y a eu aussi la période disco, hein, tout ça. Oui. Donc, c'est vrai que quelques chanteurs disparaissent et après reviennent plus tard sur le devant de la scène, quoi. Donc, dans les années 90, il connaît une nouvelle période de grand succès. Avec un titre « Oh Little Darling » et « Toutes les filles ». Il est invité plusieurs fois à RTL. Oui. Voilà, radio, c'était les radios de l'époque. Hein, RTL, oui. Voilà. Et puis également dans les émissions de Pascal Sevran, « La chance aux chansons », où il interprète ses chansons en français, puisque Paul Severs chantait en français, chantait en hollandais. Ah oui. Parce que voilà, il était proche, il chantait aussi, il a bien tourné aussi en Hollande. Voilà. Alors, on s'écoute une troisième chanson de Paul Severs. Au printemps, nous irons à Venise. C'est beau. Ah oui. L'hiver s'en va, déjà il fait moins froid. Tout se réveille, les beaux jours ne sont plus loin, je crois. Et mon cœur bat toujours autant pour toi. Je voudrais t'emmener là où l'amour se laisse aller. Au printemps, nous irons à Venise, au pays magique des gondoliers. Se déguise, on dit que l'amour s'avance masqué. Au printemps, nous irons à Venise, pays merveilleux des gondoliers. J'aimerais tant que là-bas tu me dises, on va s'aimer. Va changer bientôt, les fleurs viendront tout colorier. Je t'aime encore et de plus en plus fort. Je voudrais t'emmener là où l'amour se laisse aller. Au printemps, nous irons à Venise. Paul Severs, chanteur romantique. Alors, en 2015, Paul Severs a fêté ses 50 ans de carrière d'artiste, s'étant fier d'avoir vendu 1 million de disques, écrit 300 chansons et d'avoir fait 15 000 concerts publics. Malheureusement, Paul Severs disparaît le 9 avril 2019, un mois après avoir été admis à l'hôpital à la suite d'une chute à vélo provoquée par une crise cardiaque. Voilà. Ce que je voulais dire, ce humble hommage à Paul Severs. Bon, j'y tenais. Je connaissais pas trop l'artiste, beaucoup plus de choses que de lui, mais bon, c'est vrai que je connaissais ses chansons. Et puis, bien sûr, comme je suis toujours dans les chansons romantiques, je suis un grand romantique. Donc voilà, j'aimais bien ses chansons. Alors, on écoute une dernière. Allez. Qui s'intitule La Nuit Bleue. Faisait frissonner nos derniers baisers sur la plage. Les vagues dessinaient de jolis reflets sur ton visage. La nuit bleue, ce sera notre nuit. Aujourd'hui, il suffit d'être deux. Tant de fois, j'ai rêvé cet instant. Les amants, ce soir, c'est toi et moi. La nuit bleue, ce sera notre nuit. Aujourd'hui, veux-tu vivre avec moi? Le sable est doux. Voilà, quatre chansons de Paul Severs. Et puis je voulais remercier donc Claude de Radio Puisalène pour l'envoi des fichiers. Merci à lui. Voilà, donc nous allons passer maintenant à nos coups de cœur musicaux, bien sûr. Et on va commencer avec Dominique Walter, que j'avais reçu donc en live dans nos studios le 21 mars dernier.

On va passer au Madison maintenant. Allez. Voilà, avec cet artiste, alors que lui, je l'ai eu, c'est donc Michel Monaco, je l'ai eu par téléphone, très sympathique, qui d'ailleurs m'a envoyé cette chanson toute fraîche de hier, tu vois. C'est jamais fini de préparer les émissions en radio, tu sais. Voilà. J'imagine. Alors, on écoute Laisse passer le temps. Souvenirs, Mariti et Gilbert sont gravés dans nos cœurs. Les stars de nos 15 ans ont marqué notre vie. Certains s'en sont allés au paradis des fleurs. On entendait chanter dans toutes les cours d'école. Tu es le soleil ou tu es la plus belle. Il n'est pas si loin le temps de nos idoles. Tu croyais Claude François avec son belle, belle, belle. J'ai encore rêvé. Dans mes bras, on rapprochait les cœurs comme au jardin d'Éden. Sistone et Chardin chantaient l'aventura. Ma grande te jurait, c'est comme ça que je t'aime. Laisse passer le temps, écouler les rivières. Toujours mes sentiments dans tes yeux, ma lumière. Laisse passer le temps sur ces mêmes refrains. Je t'aime toujours autant. Avec toi, j'ai 16 ans. Laisse passer le temps. Un problème, Zanini de leur souffler. Tu veux ou tu veux pas. Nicoletta croit toujours que la vie est un manège. Joey nous faisait voyager jusqu'à Guantanamera. Guantanamera, ouais. Si Richard était très amoureux de sa femme, Ingo prenait le large avec son Santiano sur ses rythmes disco. Dalida nous enflammait, Viva Italia, avec Romina et Albano. Dans les balles populaires, dans les balles populaires. Ouais, on sait faire la fête, dans les balles populaires. Laisse passer le temps, écouler les rivières. Toujours mes sentiments, dans tes yeux ma lumière. Laisse passer le temps, sur ces mêmes refrains. Je t'aime toujours autant, avec toi j'ai 16 ans. Laisse passer le temps. On se croirait dans une surprise party. Est-ce que ça va? Ça va? Chante en rien, ça va? Eh ben faut le dire. Et c'est pas fini. Vous êtes prêts? On y retourne. Attention, c'est parti. Laisse passer le temps, écouler les rivières. Toujours mes sentiments. Laisse passer le temps, Michel Monaco. Alors j'en profite pour faire un petit bisou à Mado, ma collègue animatrice de Radio Plus Haleine. Alors Mado, quand tu viendras dans les Vosges, ben écoute, on ira danser le Madison. Voilà. Maintenant, on va écouter un autre artiste, Tom Matisse, qui nous interprète là « Parlez-vous français ?» Letzte Nacht mit dir allein in Paris. Wir küssten uns im Kerzenschein. Du lagst in meinen Armen, oh oh, Chérie, und hast mit mir geträumt. Wir waren so jung und wir waren verliebt. Doch beim Abschied gab es Tränen. Und auf einmal war uns klar, das wird ein Abschied für immer sein. Parlez-vous français, mon amour, je t'aime, kannst du mich verstehen? In der Sprache der Liebe klingeln die Worte so wunderschön. Parlez-vous français, mon amour, je t'aime, kannst du mich verstehen? Ich hab dir viel zu sagen und so viele Fragen. Parlez-vous français? Die Sonne scheint dort an der Champs-Élysées, wo ich die große Liebe fand. Und nachts in meinen Träumen, wo, oh, oh, Chérie, gehen wir noch Hand in Hand. Wir waren so jung und wir waren verliebt, doch beim Abschied gab es Tränen. Und auf einmal war uns klar, das wird ein Abschied für immer sein. Parlez-vous français, mon amour, je t'aime, kannst du mich verstehen? In der Sprache der Liebe klingeln die Worte so wunderschön. Parlez-vous français, mon amour, je t'aime, kannst du mich verstehen? Ich hab dir viel zu sagen und so viele Fragen. Parlez-vous français? Wir waren so jung und wir waren verliebt, doch beim Abschied gab es Tränen. Und auf einmal war uns klar, das wird ein Abschied für immer sein. Oh, ma chérie, oh, mon amour, parlez-vous français avec moi? Oh oui! Parlez-vous français, mon amour, je t'aime, kannst du mich verstehen? In der Sprache der Liebe klingen die Worte so wunderschön. Parlez-vous français, mon amour, je t'aime, kannst du mich verstehen? Ich hab dir viel zu sagen und so viele Fragen. Parlez-vous français? Parlez-vous français? Voilà, Tom Matisse, donc voilà une belle chanson en français, en allemand. Tu comprends un peu l'allemand, Lia? J'en ai fait légèrement au collège, mais non, je pense que je ne comprendrai pas encore bien l'allemand. D'accord, bien. Alors, voilà, bah, Tom, je l'avais reçu aussi, c'était le 30 juin 2018. D'accord. Voilà. Je lui fais un petit coucou si toutefois il est à l'écoute, mais bon, bah, il y aura le podcast sur notre page, bien sûr. Et oui, parce que pour l'instant, on a un petit souci avec notre transmission streaming par Internet. D'accord. Voilà, l'amélioration est en cours, mais ce n'est pas encore pour tout de suite. C'est des choses qui arrivent. Et oui. Hein, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Alors, je parlais tout à l'heure des gars de la Morine. Et donc oui. On va se réécouter une petite chanson, voilà, ils étaient avec nous la semaine dernière. Oui, on s'en souvient. Ouais, c'est vrai. Et là, on va écouter, merci pour tout. Merci.

Voilà, nouvel album pour Frédéric François. Un de nos, je dirais, de nos derniers chanteurs romantiques. Il y en a plus beaucoup des chanteurs romantiques. Hein. Mais il a changé un peu de style, non ? Oui, il est toujours dans les chanteurs romantiques, mais avec une nouvelle musicalité. Si oui, tu veux. C'est vrai. C'est vrai que, voilà. Un petit peu plus moderne, un on va dire. Un peu plus moderne, voilà, c'est ça. Donc, c'est pareil, il a su traverser aussi les époques, lui. Hein. Oui. Ah bah oui. Ah, c'est vrai. Hein. Bon, il nous reste aussi Franck Michael. Et puis voilà, quoi. Et puis, bien sûr, tous nos chanteurs romantiques que nous recevons. Bah, bien sûr. À Guémozo. Tout à fait, on les remercie d'ailleurs. On ne les oublie pas. Bah, tout à fait. Alors là, on va écouter une jeune artiste. Je l'ai découverte sur une radio nationale. Ouais, tu triches. Je ne dirai rien. J'écoute pas toujours Radio Guémozo. Oh, c'est pas bien ça. Hein. Quelle confidence. Donc, j'ai découvert cette jeune artiste, voilà, qui a fait un album, qui a sorti un album il y a pas très longtemps. Avec, c'est pas mal, je trouve, parce que c'est un style années 50-60. D'accord. Et ça donne une belle, belle pochette d'album aussi. Et son CD, il est un petit peu comme un vinyle, tu sais, à l'intérieur, c'est chouette. Voilà. Donc on s'écoute Un jour parfait. C'est un jour parfait. Le temps d'un week-end. J'ai ta main dans la mienne, juste un jour parfait, comme il en existe peu. Oh yeah, c'est un jour parfait. Les téléphones sur silence, c'est un jour parfait. Plus rien n'a d'importance, juste un jour parfait. Lorraine de Vienne, voilà. Une belle artiste à venir, je pense. Alors maintenant, nous allons écouter le duo Anaïs et Fabien avec cette chanson « L'amour ne meurt jamais ». Un jour ou l'autre, on le sait bien, l'un de nous deux s'envolera. Je préfère brûler en enfer que d'être séparé de toi. Je ne suis rien sans toi.

ce charmeur aussi, ce croudeur pour les dames, c'est vrai que Julio Iglesias, voilà. Et son fils aussi maintenant. Son fils avait chanté aussi. Enfin, je sais pas aussi maintenant comment c'est. Enrique Iglesias. Oui, Enrique. Il avait fait un beau duo avec une autre artiste dont je ne me souviens plus du nom. Bon, c'était plus pop rock. Oui, c'était moins romantique. Voilà, c'était moins romantique. Hein. Julio Iglesias, c'est tout dans la gestuelle, tu c'est vois, vrai. Vrai crooner. Donc là, c'est Frank Galland qui chante Julio Iglesias. Alors, ce titre, c'est, je vais le prononcer, Du bist mein erster Gedanke. Alors, la traduction, ça veut dire, tu es ma première pensée. Waouh. Oh, c'est beau. Quand même. On écoute. On écoute. Bleib immer bei mir, bitte verzeih mir, dass ich nicht mehr ohne dich sein kann. Ich will mein Leben dir gerne geben, wenn du nicht mein wärst, was fing ich an? Du bist mein erster Gedanke. Ich will mein Leben dir gerne geben, wenn du nicht mein wärst, was fing ich an? Du bist mein erster Gedanke. Voilà, donc Frank Galland. Du bist mein erster Gedanke. Voilà, t'auras appris quelque chose. Ah bah oui, tu m'as fait une traduction en cours pendant la chanson. Je t'ai fait une traduction en cours, hein, tu vois. C'est beau, hein. Bah attends, on apprend l'allemand en plus en même temps. Tu vois. Génial. Alors, on va repartir avec Christian Vidal. pareil, un beau chanteur des années 70, qui nous avait fait un bon titre avec la chanson Angélique. Est-ce que tu connais cette chanson ? Tu sais, mon bonheur, c'est toi. Ah oui, ça jour me dit quelque après chose. Jour pour toujours, Angélique. Et de cette chanson-là, j'ai appelé ma fille Angélique. C'est vrai ? Eh oui, c'est vrai. Wow. Tout à fait. Ouais. Je lui ai dit quand il est venu en studio, ouais. il était content. C'est ah vrai bah ça a dû lui faire plaisir. Ça a dû lui faire plaisir, oui. Alors là, il nous chante Souviens-toi, Nathalie. Les soirées d'été trop chaudes au lac de Garde, les copains qui se jouaient, les musiciens, la radio nous diffusait son avant-garde, et nos yeux trop fatigués le lendemain. Comme tu vois, non, je n'ai rien oublié de nos tendres années. You just put your head on my shoulder. Souviens-toi, on dansait Nathalie. Ces refrains mélodies que tu aimais chanter. Chanson d'amour de nos twenties. J'ai gardé dans le cœur quelques roses, un bouquet de bonheur Nathalie. Et des Champs-Élysées, de Capri à Corfou, on avait rendez-vous. Si peu à peu le temps vient à gagner ses places, tes cheveux gardent l'éclat de tes 20 ans. Me retrouver sous ton regard que rien n'efface. Je me sens beau, je me sens jeune, tout comme avant. Comme toi, non, je n'ai rien oublié de nos tendres années. If you just put your head on my shoulder, souviens-toi, on dansait Nathalie. Ces refrains mélodies que tu aimais chanter. Chanson d'amour de nos twenties. J'ai gardé dans le cœur quelques roses, un bouquet de bonheur Nathalie. Et des Champs-Élysées, de Capri à Corfou, on avait rendez-vous. J'ai gardé dans le cœur quelques roses, un bouquet de bonheur Nathalie. Des photos du passé emportées loin de tout. Que reste-t-il de nous? Et des Champs-Élysées, de Capri à Corfou, on avait rendez-vous. Voilà, Christian Vidal. Alors, je fais aussi un petit bisou à Evolène. Evolène, elle était dans le studio. Elle était présente avec Christian Vidal. Ils étaient venus tout spécialement de Belgique. Ah oui. C'est bien, c'est gentil, ça. Ah, bah, on se déplace. Ah, c'est vrai que. Bah oui. Alors, là maintenant, Jean-François Valence, avec ce titre Baila, Baila. J'aimais la voir tous les soirs au Calypso, où sa guitare envoûtait tout San Fernando. Elle me jouait les chansons de son pays, qu'elle traduisait au ciel de Californie. Toute sa terre portait le Che Cabral, où même le verre peut se transformer en cristal. Le poing levé ou 6 cordes sous les doigts, comme un secret elle me disait tout bas. Tu sur mes regards d'enfant. Baila, baila, mi amor, y baila, souris-moi à deux. paroles, je les connaissais par cœur, comme un symbole de liberté avant l'heure. Los Angeles assombrissait toute sa peau, et notre adresse n'était déjà plus son tempo. Un beau matin, elle est partie sans rien dire. Seul ce refrain pleure dans mes souvenirs. Baila, baila, mi amor, y baila, sèche mes larmes et danse avec le vent. Siempre, siempre, mañana, por siempre, veilleras-tu sur mes regards d'enfant. Baila, baila, mi amor, y baila, souris-moi, à deux, tout est possible. Siempre, baila, por siempre, mañana. Tu m'aides à être libre. Baila, baila, mi amor, y baila, toutes les larmes s'envolent avec le vent. Siempre, siempre, mañana, por siempre. Et je veillerai sur tes regards d'enfant. Baila, baila, mi amor, y baila, souris-moi, même loin, tout est possible. Siempre baila, por siempre, mañana, je t'aiderai. Baila, baila. Jean-François, voilà, ben écoute, Jean-François, je te fais une bise, ainsi qu'à Camille. Voilà, on s'est bien balancé sur ce titre. Hein, c'est en jouer. Et oui. Alors, on va écouter maintenant un autre Jean, Jean tout court, c'est Jean Lemonnier. Voilà, Jean, c'est un personnage, Jean. J'avais reçu aussi ici, on l'a... Non, c'était pas par téléphone. Mais très sympa aussi, Jean. Et là, il nous interprète la vita de Cinecitta. Oh. Gina, et tu maquillage, Claudia s'apprête à tourner. Scène 3. Au plan à l'image, silence en plateau, beau tort demandé. Ainsi va la vie sous les vivas, défigurant, content, oui, d'être là. La vie t'avait la chine. Voilà, donc je traduis la vie à Cinecittà, Cinecittà. Cette chanson qui nous parle un petit peu des plateaux de cinéma, tu sais, italiens, dans les années 60, 70, avec des belles actrices, Claudia Cardinal, Gina Lollobrigida, tout ça, tu vois un petit peu, tu connais un petit peu, tu vois, là, c'est, genre, on fait une belle composition là-dessus, sur des textes de Thierry Brenner, que je salue aussi, Thierry. Voilà, on retrouve Philippe Savala, qui nous interprète « Dès qu'on s'aime », tout un programme. Philippe Savala. Alors je te dis à très bientôt Philippe, je te fais une bise aussi. Alors il est 17h20 sur les ondes de Radio Guémozo, dans les années bonheur, voilà, on est bien. Alors on va repartir maintenant pour la région Alsace avec un duo. Alors là il faut que je m'applique aussi. Qui chante Quanto mi namoro. Voilà, c'est une autre langue. On écoute. Quando mi innamoro, doy toda mi vida a a quien se enamora de mí. Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. Dicen que no sabré buscarte flores, que no podré ofrecerte ningún regalo. Dicen que yo he sufrido de mal de amor, que mi corazón no se ha curado, pero eso no es así, y tú lo sabes. Tú me conoces bien, y cuando me enamoro, toda mi vida a quien se enamora de mí. Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. Cuando me enamoro de toda mi vida a quien se enamora de mí. Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. Yo quiero ser siempre contigo. Todos comprenderán que cuando me enamoro de toda mi vida a quien se enamora de mí. Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. Cuando me enamoro de toda mi vida a quien se enamora de mí. Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento. Là, une belle reprise. Cette chanson avait été chantée par Engelbert Humperdinck, un grand crooner aussi des années 60-70, sous le titre, Man With Your Love. Tu vois, là, je me débrouille bien. Pas mal. Ah, c'est pas polyglotte mal, dans cette émission. Oui. Hein? C'est vrai. C'est anglais, oui. Italien voilà. Allemand, français. Voilà. Et chantée aussi par Joe Dassin. Ah oui. Avec sous ce titre, Comment te dire. D'accord. Voilà. Tu apprendras des choses avec moi, Lia, tu verras. Ah bah oui, ça je m'en doute. J'ai aucun doute là-dessus. Vu mon jeune âge. C'est ça. Alors, oula, 17h25, on a le temps de terminer avec une petite chanson, dernière petite chanson qu'on va passer. Donc on va rester en Alsace avec le groupe Santa Rosa, qui nous interprète ta chanson d'amour. On a souvent caché du cœur une chanson qui nous rappelle des instants de grand bonheur qui fait si bon se rappeler. Santa Rosa, voilà, tiré de leur dernier album. Enfin, c'est une compile, un best-of, voilà. Alors, pour terminer l'émission, j'ai voulu me faire plaisir. Je me fais plaisir. Bah, t'as raison. Et puis bon, bah, j'espère que ça te fera plaisir aussi, Lia. j'ai voulu réécouter une chanteuse. Enfin, au départ, c'était une artiste qui a joué dans les épisodes de Dallas. Est-ce que ça te parle? Ah bah oui, j'étais fan. Ah, Dallas, voilà. Bah, oui. Alors, il y avait une belle artiste qui jouait dans ces épisodes-là, c'est Audrey Landers. Ah. Une belle blonde, je ne sais pas si tu te souviens. Elle s'est reconvertie dans la chanson. Ah oui? Il y a déjà quelques années, bien sûr. Elle chante surtout en Allemagne. Ah ouais? Ouais, elle a fait carrière là-bas en Allemagne. Et puis bon, là, c'est un extrait d'une compile aussi qui s'intitule, j'ai un petit chat dans la gorge. qui s'intitule Playa Blanca. On écoute. Voilà, Audrey Landers. Eh bien, amis auditeurs, auditrices, l'émission touche à sa fin. Alors, moi, je voulais remercier d'ailleurs tous les artistes qui nous ont accordé leur confiance lors de ces interviews ou par téléphone. Donc, merci à eux. Nous avons donc fait là un petit coup de cœur. Voilà, on en fera prochainement. Moi, Lia, je voulais te remercier pour la technique et pour ton sourire aussi. Mais c'est moi qui te remercie. Ça fait plaisir. Donc, je vous retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bye bye à tous. À bientôt. À bientôt.